Si tu pars avant moi, promets-moi par un signe de me dire où tu vas, de me dire ce qu'il y a, si tu restes toi-même et si tu me vois vivre. Si je suis le premier, pour ne pas te faire peur, je viendrai me glisser quand tu t'endormiras au creux de ta chaleur. Un frisson dans un rêve, tu sauras que c'est moi. Une lettre à ma femme pour tout lui expliquer, pour lui dire que je l'aime autant qu'au premier jour, que je suis toujours là, que je n'ai pas changé, sinon de la fatigue et quelques illusions qui se sont égarées. Un frisson dans un rêve si je pars avant toi, un sourire sur tes lèvres, tu sauras que c'est moi. Une lettre à ma femme au hasard d'un voyage, pour lui dire qu'il n'y a pas d'histoire à pardonner, que je n'ai jamais vu d'aussi jolis yeux qu'elle, sinon il y a longtemps, un visage et un nom qui se sont effacés. À ma femme pour lui dire en deux lignes que c'est la seule au monde qui m'ait vraiment aimé, qui a su tout comprendre avant même que j'y pense, y compris mes silences et quelques illusions qui se sont envolées. Un frisson dans un rêve si je pars avant toi, un sourire sur tes lèvres, tu sauras que c'est moi.